ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Vlad III, prince de Valachie, l'homme qui a servi d'inspiration au personnage de Dracula. J'ai déjà réservé le bateau qui nous conduira en Angleterre. Comme cela, nous partirons d'ici dès demain, dans la soirée. J'espère que vous trouverez ce lit confortable. Extrait du film Dracula de Ted Browning, un film réalisé en 1931. On y reconnaît tout de suite ce ton si typique qu'adopteront à peu près tous ceux qui vont interpréter ce personnage de Dracula. Le film de Browning, c'est la première adaptation officielle du roman de Bram Stoker au cinéma. Bien d'autres vont suivre, transformant bientôt ce personnage de vampire du comte Dracula en véritable légende, en figure emblématique, en fait, des films d'horreur. Mais qui est donc le vrai Dracula, Vlad III, prince de Valachie? Dracula s'appelait-il vraiment Dracula? Non, c'est un surnom. Son nom véritable était Vlad. Et son surnom était Dracul, qui veut dire ou bien démon ou bien dragon. Mais il y avait un autre surnom. C'était Vlad Dracul, dit l'empaleur. Arrêtez-moi ça. Oui, il n'a pas inventé le supplice de l'empalement, mais il l'a raffiné. Il arrondissait les pieux pour que la souffrance soit plus atroce et surtout dure plus longtemps. Il adorait contempler ces choses-là. Il y a d'ailleurs un tas d'histoires qui circulent sur le conte de Dracula. Il aimait, par exemple, faire dévorer des enfants par leur mère. Il obligeait des mères à manger leurs enfants. Cuit ou cru? Oui, il les faisait cuire également. Des histoires absolument atroces. On raconte également qu'un jour, il a réuni des miséreux, des vieillards qui étaient vraiment démunis. Il les a nourris copieusement et il leur a dit « Est-ce que vous voulez que je vous débarrasse de vos soucis une fois pour toutes? » Ces pauvres gens ont dit oui. Alors, il les a enfermés dans une pièce, il a mis le feu et ces gens-là, évidemment, ont trouvé le repos éternel. La musique du film Dracula, réalisé à la fin des années 90. Juste avant, c'était l'humoriste Serge Grenier à l'émission Au jour le jour, animée par Dominique Lajeunesse en 1985. Ça fait déjà rire Evelyne Ferron qui va nous parler du vrai Dracula. Evelyne Ferron, bonjour. Bonjour. C'est vrai que, oui, ça peut faire sourire, parce que, mais en même temps, ça campe tellement bien le sujet du jour, Dracula, parce que il y a ce roman, il y a tout cet imaginaire autour du personnage du comte Dracula le vampire qu'on connaît. On connaît cet imaginaire-là, mais à l'origine, il y a un vrai personnage historique qu'on va présenter aux éditeurs aujourd'hui, ce fameux Vlad III. Mais d'abord, dans ce que disait Serge Grenier, oui. Déjà, Evelyne, qu'est-ce qui appartient au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? À la réalité, c'est sûr que effectivement son vrai nom, c'est Vlad III, donc troisième de ce nom-là. Ça, c'est la réalité. C'est un prince et souverain, en fait, de la région de la Transylvanie, plus spécifiquement ce qu'on appelait la région de la Valachie. On est vraiment dans l'univers balkanique, ouais. Donc ça va aussi. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il va pratiquer et raffiner l'art, si je puis dire, de l'empalement. L'art du pal, ouais. Qui était un art assyrien à l'origine. C'était les premiers qu'on connaît dans l'histoire qui ont utilisé le pal, donc on remonte quand même assez loin, avant, on va dire les années peut-être 900 avant Jésus-Christ. Ouais. Donc oui, il a raffiné ça. Et Dracula, effectivement, bien, c'est un ordre chevaleresque qui avait été fondé dans l'espoir, en fait, de protéger la chrétienté avec l'avancée, en fait, des Ottomans dans la région de la Roumanie, de la Transylvanie. Et son père, donc, Vlad II, faisait partie de l'ordre du Dracul, donc l'ordre du dragon. Dracula comme démon, par contre, ça, c'est dans l'imaginaire chrétien, au fil du temps qu'on va associer justement les légendes à Dracul et que Dracul va être comme transformé, en fait, en roumain, en synonyme du diable. Mais à l'origine, vraiment, il n'y a aucun lien entre les deux. L'histoire d'enfant qu'il fait manger aux mères, là, on est dans la pure légende. Oui, parce que Dracula s'attaquait surtout aux hommes, homme s'attaquait surtout aux militaires. Il s'est attaqué à des populations locales, oui, à l'occasion, mais son objectif n'était pas nécessairement de s'attaquer à la veuve et à l'orphelin. Mm-hmm. Donc, quand on entre là-dedans, on entre dans tout un folklore qui est là pour terroriser les gens, mais dont on n'a jamais eu aucune preuve vraiment concrète. Et le roman, bien sûr, va contribuer à ce folklore-là. Mm-hmm. La chrétienté aussi, là, cette incarnation du mal qu'on associera à lui. Et puis, ses ennemis, il faut le dire, les marchands, entre autres, parce que ils vont cultiver déjà la figure du vampire. C'est pas le roman qui l'amènera. Déjà, ça va exister, mais cultivé et inventé par ses ennemis. Pour lui, lui en tant que vampire, mais l'imaginaire du vampire depuis le Moyen-Âge existait dans ces régions-là. Depuis, en fait, l'arrivée de maladies comme la tuberculose, où les gens commençaient à cracher du sang vers la fin de leur vie. On comprenait pas comment ça se fait que ça arrivait. On les enterrait. Là, il y a d'autres personnes qui mouraient. C'est de là qu'est né l'imaginaire du vampire au Moyen-Âge. On pensait que ces gens-là se relevaient de leur tombe et allaient tuer les autres. On n'avait pas compris la contagion. Donc déjà ça existait. Ouais. Mais effectivement, les boyards, donc l'aristocratie un peu orthodoxe qui était contre Dracula et les Ottomans vont, eux, vraiment faire 1 + 1 = 2. Ils vont associer Dracula à tout ça pour que les gens le craignent même après sa mort. Alors, qui est-il, le vrai Dracula? Vlad III Bassarab, de son vrai nom? Oui, donc de la maison des Bassarab, effectivement. Alors, on fait affaire ici à l'univers des Balkans, où vous avez plusieurs, on va dire, tribus qui ont commencé à devenir de plus en plus solides avec des frontières assez claires dans la région de ce qui est le royaume de Hongrie, de la Roumanie aujourd'hui. Et lui et sa famille appartiennent donc à l'orthodoxie roumaine, on va dire ça comme ça. Mais vous aviez des Saxons qui habitaient la région. Il y avait déjà des musulmans qui habitaient la région aussi. Il y avait des chrétiens. Il y avait un mélange quand même multiculturel. Et quand on parle du 15e siècle, assez important. Et c'est sûr qu'il y avait un grand commerce qui se faisait encore avec l'Occident tant que la prise de Constantinople n'était pas faite en 1453. Et il vit ça. Alors, Vlad Tepes, donc Tepes pour l'empaleur, donc Vlad Dracul, surtout, qui signera finalement Dracula, petit dragon, le fils de son père, né dans la région de la Roumanie, à Sajagora, dans une espèce de petite ville fortifiée, marchande. C'est pour ça qu'elle était fortifiée. C'est là que son père va vouloir que ses enfants soient élevés. Et il va vivre avec la menace ottomane qui plane sur la région. Il sera capturé et otage des Ottomans. Il va passer 5 ans à la cour ottomane, en fait. Exactement. Et un peu comme garantie, là. On le kidnappe, finalement. Oui, on le kidnappe, mais on le kidnappe pas dans des conditions qui sont dégoûtantes. C'est pas... Oui, il passe un peu de temps dans un donjon. D'ailleurs, le donjon en Turquie où il a été semble avoir été découvert en 2014 à Tukat. Donc là, il y a même possibilité probablement de le visiter pour les touristes très bientôt. On pense que c'est là au début que lui et son frère ont été gardés prisonniers, mais on sait que Vlad en a profité pour s'éduquer. Donc il va parler le turc, il va connaître la mentalité ottomane, la culture ottomane. Il va même réussir à fraterniser avec celui qui deviendra sultan de l'Empire ottoman, qui est Mehmed II. Il va avoir donc ce lien-là quand même avec la haute aristocratie. Donc c'est une cage dorée quand même. Ça, faut pas penser qu'il vit dans la misère. Mais il va observer quand même les techniques, je dirais, et de torture et de conquête des Ottomans qui pouvaient être très violentes. Et probablement que ça a marqué quand même son imaginaire. Et lui, c'est probablement promis, c'est ce qu'on en comprend, qu'un jour, il allait libérer la Valachie du pouvoir ottoman. Et quand il allait le faire avec un certain éclat. Il fallait qu'il démontre sa puissance. Oui, voilà. Et quand il revient, en fait, en Valachie, sa seule ambition, c'est de monter sur le trône, c'est de succéder à son père qui n'y est plus sur le trône, parce qu'il a été assassiné, quelqu'un l'a chassé. Il va réussir, ça ne durera pas longtemps, et surtout, il sera 2 mois, il reprend le trône de Valachie 2 mois. Ouais. Et puis après, là, on s'engage vraiment dans une reconquête du trône qui sera longue et sanglante. Longue et sanglante, mais avant qu'elle devienne longue et sanglante, il voulait démontrer qu'il était un être puissant. Et avant de le faire par la peur, il le fait par la construction. Ce qu'on oublie souvent de Dracula, c'est que c'est un grand constructeur, et c'est surtout un stratège militaire qui savait comment construire des forteresses qui allaient résister aux envahisseurs et qui protégeait sa population dans ces forteresses. Alors, on pense au château de Bran qui, justement, pendant cet exil, après ce pouvoir beaucoup trop bref, va être un peu son espèce de résidence où il va planifier sa reconquête, finalement, de la Valachie contre l'Empire ottoman. Et ensuite, le château de Poenari, qui est cette espèce de nid d'aigle perché. Il faut monter 1480 marches pour l'atteindre. Il y a une ingénierie, une stratégie aussi, une protection de la population civile ville chez Dracula avant de voir l'homme vengeur qu'il va devenir. Mais c'est sûr que pour montrer sa puissance et dire « je suis légitime sur le trône », l'autre étape, c'est d'attaquer et de s'assurer que les gens le craignent. Et ça, il va être un champion dans la stratégie de la peur. Il va reprendre le pouvoir. En fait, il reviendra en 1456. Comment il réussit ça, en fait? Il réussit de plusieurs façons. Notre problème, en fait, avec Dracula à cette époque-là, c'est le manque d'archives. On est un petit peu malchanceux parce qu'on le voit souvent à travers ce que l'Empire ottoman va dire de cette région-là. Donc, déjà, on le voit à travers ses ennemis. Donc, c'est pas un portrait qui est nécessairement glorieux. Déjà, les témoignages sur Dracula sont assez négatifs. Ouais. Donc, on le retrouve beaucoup par ce qu'on voit dans les vestiges de palais, quelques lettres de gens qui habitaient la région ou des voyageurs ou des commerçants. Ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'il va faire des petites attaques, des raids assez rapide dans la région pour vraiment reprendre le contrôle de la Valachie. Il va y arriver assez vite. Il va éliminer ses ennemis numéro un qui sont les boyards. Les boyards sont l'aristocratie marchande de la région de la Valachie qui ont contribué à ce qu'ils perdent le trône, qui sont souvent des alliés des Ottomans. Alors, il doit les éliminer avant de dire aux Ottomans « Allô, je suis de retour ». Alors, il vole, et ça, c'est une légende. On n'a pas de preuve de ça, mais on sait qu'il a probablement invité les boyards à un souper au château de Bran. Ça fait partie de la grande légende de Dracula. Et que une fois le souper terminé, il leur a demandé de dire mais pourquoi vous m'avez fait ça, pourquoi vous ne m'avez pas reconnu comme souverain. Et là, ils ont commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Et ce serait la première fois qu'il aurait utilisé la stratégie de l'empalement pour effrayer les Ottomans. Alors les 500 convives qui avaient été invités, d'après la légende toujours, aurait été à ce moment-là soit embroché ou empalé dans le palais. Alors ça ferait partie d'une des premières stratégies. On va dire, vous vous êtes opposé à moi en tant que groupe, ben je vous élimine. C'est comme un génocide, en fait. Oui, puis l'exemple, on y reviendra à cette fameuse technique de l'empalement, mais pour lui, créer la terreur, montrer avec un exemple concret, ça va être là tout le temps. Hein, toujours. Non seulement tuer, mais que ce soit bien, que les gens voient ce que ça donne, cette technique. Il va donc, en 1456, réussir à éliminer Vladislav II et retrouver le trône de Valachie. Et là, ce sera sa plus longue période à la tête comme prince de Valachie, de 1456 à 1462. Son peuple va l'aimer. Oui. Pourquoi? C'est un protecteur. Parce qu'il est sanguinaire, cruel pour ses ennemis. Avec l'ennemi, mais il est un protecteur. On le voit comme un père, Dracula. Quand on regarde les archives d'époque, quand on regarde les lettres que les gens écrivaient, quand les gens parlent de leur souverain, c'est avec... on parle d'un homme généreux, on parle d'un père qui protège ses enfants. Les populations qui habitaient ces régions-là, quand la prise de Constantinople s'est réalisée en 1453, donc vous avez dit qu'il règne 1456-1462, c'est un choc dans la région. Parce que le lien entre Orient-Occident vient de se briser dans le commerce et on vient de tomber, alors qu'on est orthodoxe, sous la domination musulmane qui se rapproche et l'Occident ne nous est plus accessible et ne nous aidera pas. Ça va être trop difficile de les joindre. Alors, il y a une inquiétude dans ces régions-là qui est légitime. Et Vlad Tepes va tout faire pour les protéger, justement, de l'ennemi ottoman et par des forteresses, par des constructions, des villes qui sont fortifiées avec des mètres, des fois jusqu'à des murs, des fois jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Les gens se sentent en sécurité quand cette homme-là est là parce qu'ils savent qu'il attaque l'ennemi. Oui. Mais jamais il va tuer son peuple. D'où pourquoi l'idée de la mère qui mange ses enfants, des choses comme ça, ça s'est venu justement des ennemis plus tard pour en faire un monstre qui n'avait pas de... qui n'avait pas de sentiments et tout ça, alors que tout est faux par rapport à ça. Il était protecteur de sa population. Mais très, très dur à l'endroit de ses ennemis. Oh oui. Il faut dire que cette violence-là, ce règne de la terreur qu'il va pratiquer, il est pratiqué ailleurs aussi à cette époque-là. On écoute un extrait de l'émission « Pourquoi pas dimanche » du 31 octobre 2004. Écoutez l'historien Matei Kazaku parler justement de la violence, des méthodes de Dracula, mais de ce contexte de brutalité qui déborde des simples frontières de la Valachie. Il a été très méchant, mais il vivait à une époque, le 15e siècle, parce qu'il est né vers 1430, il est mort en 1476, où cette méchanceté, ou si vous préférez, cette politique éclairée pour créer des États centralisés et de combattre l'anarchie féodale, utilisait des moyens tout à fait sanglants, qui nous choque aujourd'hui, mais qui à l'époque était plus ou moins passé dans les mœurs, même si, évidemment, chaque région avait son spécifique. Par exemple, le pal était réservé à l'Europe du Sud-Est et centrale, et lorsqu'un baron anglais a essayé de l'introduire vers 1470 dans le Worcester, ça a fait un grand scandale en disant que ce n'était pas une punition de type chrétien. Donc, le pâle, Évelyne Ferron, qui fait scandale en Angleterre, mais en même temps, ce que nous dit ce brave historien, c'est qu'à l'époque, où que l'on soit, c'est la violence qui règne en roi et maître, avec des méthodes différentes, selon qu'on soit en Valachie ou en Angleterre. Exactement. Le but, c'est toujours justement de punir en faisant peur pour que les gens, en fait, aient moins tendance à nous attaquer. Plus on est violent une première fois, que ce soit par des raids dans des villages, pensez à l'imaginaire Robin des Bois où on brûlait des villages. C'est ça, c'est des stratégies par la peur qui existaient depuis la haute antiquité en Mésopotamie. Là, je veux dire, on faisait ça. Les Assyriens mettaient des têtes sur des pics à l'entrée de leur palais pour dire, ben, voilà ce qui vous attend. C'était normal parce que c'est comme ça qu'on montrait sa puissance, mais surtout qu'on limitait les guerres parce que les gens avaient tellement peur de nous que généralement, lorsqu'on arrivait, on se rendait. Donc, c'était une stratégie pratiquée autant par les Ottomans que toute la population qui habitait dans la région des Balkans. Là. Et Vlad sera maître de cette technique-là. Il y a un exemple qui est assez... On va en parler de la façon dont il pratiquera la violence. On en a déjà glissé un mot. Il y a un exemple qui est absolument éclatant. Ce qu'on appelle l'attaque de nuit. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est le 12-14 juin 1462. Vlad va surprendre les Ottomans qui s'approchent lorsqu'il a pris le pouvoir et qu'il a probablement tué les boyards. L'Empire ottoman a réagi très vite. On ne veut pas le laisser reconquérir autant de territoires. Alors, ils arrivent, l'armée ottomane arrive. Et l'armée ottomane, on parle de 300 navires, on parle d'une armée de 100 000 hommes à l'époque. Quand ils font des conquêtes, ils prennent des jeunes locaux dans l'armée. Et ça, c'est ce que Vlad ne voulait pas voir arriver non plus, parce qu'il a été victime de ça à sa façon. Il ne voulait pas que sa population joigne les rangs ottomans. Alors, il fallait pas qu'il laisse de quartier non plus. Alors, il s'est dit, je vais les attaquer sournoisement la nuit. Alors, l'armée ottomane campe pendant la nuit et Vlad et ses armées vont attaquer pendant la nuit. Alors, ils sont sans défense et pendant la nuit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les empaler. On parle d'une forêt de pales qui a été installée, en fait, sur le champ de bataille en Valachie. Et quand les Méhédeux et sa garde rapprochée arrive le lendemain matin, ben, le spectacle est horrible, parce que le pal ne tue pas instantanément. Donc, il y a pas mal de gens qui sont empalés, mais qui sont encore vivants ou à demi-vivants lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille. Alors, le spectacle est peut-être ce que cristalliser l'image de l'homme sanguinaire de Dracula. Cette attaque de la nuit en juin 1462 a marqué l'imaginaire ottoman. Pour qu'on soit capable d'avoir une date aussi précise, on en a très peu pour Dracula. Il fallait vraiment que le spectacle soit quelque chose. Ouais. Évidemment, c'est pas lui qui invente la technique, mais Serge Grenier le disait, il l'a... Il l'a peaufiné. Pour être clair, en fait, ces hommes sont transpercés par une grande tige de bois, en fait. Ça, c'est le pieu. Mais on a beaucoup fait le lien entre le pal et le pieu. Le pieu va transpercer. Il prenait le pieu aussi. Le pieu, ça faisait en sorte qu'on transperçait par le ventre et ça ressortait par le dos. Ouais. On relevait le pic et ça restait comme ça. Ce que Vlad a fait, c'est qu'il va prendre l'autre bout du pieu, va l'arrondir bien comme il faut. Il va graisser ça. On va prendre la victime et lui étirer les jambes avec deux chevaux et on va insérer ça par le rectum et faire ressortir ça par la bouche. Et là, la personne va être un peu coincée comme ça, debout, et le pal va se faire un chemin entre les entrailles. Et ça, c'est une mort lente. Le pieu tue en quelques heures. Ouais. Mais le pal, s'il est bien inséré, le temps que vous mouriez de cette espèce de façon dont le pal est placé à l'intérieur de vos organes, c'est une mort qui est non seulement très lente, mais qui est très souffrante. Donc, les cris de ces gens-là sont ce qui a marqué l'Empire ottoman. Et ça, ça lui est associé là, de façon très intime. Il va être trahi en 1462 par son frère, donc chassé du trône, il rend prison une douzaine d'années, revient en 1476. Et ça, c'est flou pour nous comment il y parvient. Ouais. On sait qu'il était très aimé dans la population, qu'il avait des appuis, mais c'est là qu'on manque énormément de sources pour comprendre comment son frère l'a détrôné? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années en prison-là? On a vraiment très, très peu d'informations. Et comment il a remonté, en fait, une armée? C'est assez flou, là. Et ce sera très court, ce moment où il revient au pouvoir sur le trône de Valachie. Il va mourir. Encore là, circonstances mystérieuses autour de sa mort. Oui. Les historiens d'aujourd'hui penchent de plus en plus vers une mort au combat contre l'Empire ottoman. Alors ça, c'est la théorie la plus avancée. Et on a trouvé des archives il y a quelques années qui nous laissent penser que la tête, et ça c'est normal, on le fait avec ô combien de personnages importants, sa tête aurait été coupée pour être apportée du côté d'Istanbul pour démontrer qu'il était bel et bien mort et placée dans une jarre de miel pour être sûr qu'elle ne décompose pas pendant le trajet. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette tête-là après? On en a aucune idée. Alors ça, c'est un peu flou et on dirait que volontairement, les Ottomans n'ont pas trop parlé de ce qu'ils ont fait avec le corps et c'est ce qui, quand on manque d'informations, peut donner des légendes en quantité infinie parce que les preuves ne sont pas là pour pouvoir briser le cycle des légendes. Alors voilà, la Dracula naît un peu comme ça. Alors terminons avec, en faisant un peu la boucle, on entendait au début de l'émission un extrait du film de Dracula. Si le film existe, c'est qu'il y a eu d'abord ce roman de Bram Stoker en 1897. Est-ce qu'on sait pourquoi il décide, Bram Stoker, de faire de Vlad III l'inspiration de son personnage du comte Dracula? Il a rencontré en fait des Hongrois. Il était ami, on sait, avec quelques Hongrois et ces gens-là, ben, c'est sûr que quand vous parlez à des gens qui sont nés en Hongrie, en Roumanie, dans ces régions-là, ben, ces légendes-là, ce folklore-là est avec vous. C'est vos contes pour enfants, c'est votre bonhomme 7 heures en fait quand vous êtes enfant Dracula, des fois de façon très sanglante. Il a été fasciné par le fait qu'on avait quand même un prince qui est allé jusqu'à autant de cruauté. Lui, ce qu'il a entendu, c'est un peu ce que Serge Grenier disait au début de l'émission, c'est le côté un peu vraiment sanguinaire. Là, je mange des enfants, je bouillante des gens et des choses comme ça. Et il trouvait qu'on tenait là quelque chose qui était romantique. On est en 1897, on est dans l'ère du roman gothique. C'était parfait, c'était ce qui pognait, si vous me permettez, de façon le plus en Angleterre et même aux États-Unis. Il tenait donc le prince qui pouvait être séducteur. Le vampire est quand même érotique à sa façon. Et il avait des légendes sanguinaires. Il a fusionné ça pour créer Dracula avec la pérennité qu'on connaît. Ben voilà, ça a été pour le romancier un instinct formidable dont il a fait preuve parce que ça a donné ce roman et tout ce qui s'en suivra, les films nombreux. Il y a même eu une télésérie qui a moins bien marché. Mais enfin, pour terminer, Evelyne Ferron, qu'est-ce qui fait que ça a donné autant de succès, que ça a été aussi porteur, ce roman-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi fasciné par ce personnage du comte Dracula? Il avait la recette du roman gothique à la perfection, un peu comme The Woman in White, qui était un des classiques de l'époque. C'est qu'il entoure ça de mystère, mais en même temps, il y a de l'histoire, justement. Alors, on peut savoir, il décrit le château, on le voit dans notre tête quand on le lit. Sa façon de décrire est tellement réelle. On est dans l'histoire. Si vous lisez Bram Stoker, pas besoin de voir le film, vous vous imaginez. C'est l'abbaye de Whitby en Angleterre qui a inspiré le palais de Dracula. Et il a cette façon de décrire le froid, de décrire les yeux. Et quand on a cette capacité donc de description que la personne vit dans le roman, ben vous tenez généralement quelque chose qui est un succès. Mais c'est qu'il est enjôleur. Il est humain aussi, Dracula, il est très intelligent. Et c'était un homme éduqué dans la réalité aussi. Un beau personnage. C'est un très beau personnage et il plaît aux femmes. Ouais. Alors, les femmes vont trouver Dracula étonnamment très érotique. Ceux qui ont vu le film donc d'Oliver Stone avec Gary Oldman dans le rôle principal, je veux dire, il est sensuel, Dracula. Et ça, c'est dans le roman et c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien. C'est le héros, c'est pas mal meilleur que Twilight, là. On a quelque chose un petit peu plus viril avec le prince Dracula. Et on a de l'histoire, quelque chose qui est loin de nous, quelque chose qui peut venir nous hanter, qui peut nous faire peur aussi. On aime avoir peur. C'est quelque chose de humain, ça. Et il a réussi à mélanger tout ça. Il avait la recette parfaite pour une œuvre dont qui allait survivre au temps. Et qui a donné une sacrée bonne émission aujourd'hui. On lui tire un coup de chapeau. Pas trop sanglante, je l'espère, mesdames et messieurs. Il y avait un petit bout, là. J'espère que les gens mangeaient pas à ce moment-là sur la description de la technique du pâle. Mais enfin, Evelyne Ferron, historienne, spécialiste en histoire ancienne. Merci beaucoup, Evelyne. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'aujourd'hui l'histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.